je ne peux pas projeter ma voix. D'abord, je m'excuse pour mon français parce que ça fait hyper longtemps que je n'ai pas parlé et je viens d'arriver hier. Je n'ai pas du tout rattrapé le niveau qu'il fallait pour une exposition, une intervention en français. Mais l'intervention que j'allais faire, c'était en anglais. Je l'ai fait traduire en français pour vous. Donc, il faut que... excusez-moi mes fautes de prononciation et tout, mes fautes de grammaire. Mon exposé aujourd'hui étudie la régulation du pouvoir séculaire, ce que j'appelle le pouvoir séculaire, c'est-à-dire en anglais « secular power ». Donc la régulation du pouvoir séculaire des intimités sexuelles et religieuses et le lien qui s'établit entre sexe et religion. Je commencerai par deux procès juridiques qui ont attisé initialement mon intérêt pour ce sujet. Donc je vais commencer. En mai 2008, un tribunal à Lille a accordé une annulation de mariage à un plaignant, M. C., en fondant sa décision sur le fait que sa femme, Mme H., avait menti à propos de sa virginité. M. C. prétendait que la virginité était pour lui une qualité essentielle, ce qu'il avait clairement fait savoir avant le mariage. L'article 180 du Code civil autorise l'annulation d'un mariage lorsque celui-ci est entaché d'une erreur sur les qualités essentielles du conjoint, et Mme H. n'a pas contesté la décision du tribunal. Donc leur cas n'aurait pas dû attirer sur lui l'attention publique. Ce n'était pas après tout qu'un cas d'annulation de mariage parmi des centaines d'autres en France chaque année. Mais M. C. et Mme H. étaient, comme vous savez, musulmans. Avant la fin du mois, la décision du tribunal avait déjà provoqué une avalanche de protestations des hommes politiques de gauche comme de droite, demandant que l'annulation soit annulée afin de protéger la laïcité française contre la prétendue misogynie et le sexisme de l'intégrisme islamique. Et chaque fois que je dis intégrisme, je fais comme ça. Aux grandes dames de Mme H., sa non-virginité est devenue une cause célèbre sur le plan national, comme si l'avenir de la laïcité française dépendait de sa vie sexuelle, livrée en pâture au public. Ignorant le désir affirmé de Mme H. de voir son mariage annulé et de mettre fin à la curiosité des médias, Rachida Dati, la ministre de la Justice de l'époque, a suspendu l'annulation initiale et a renvoyé le cas devant la Cour d'appel, qui, en novembre 2008, a renversé la décision du tribunal de Lille et donc, pour l'essentiel, a annulé l'annulation. Un cas en apparence très différent s'était déroulé quelques années auparavant quand un propriétaire de gîte, Fanny Trouchelou, avait exigé de Horia Demiati et de sa mère, qui avaient loué des chambres, d'enlever leur voile avant d'entrer dans les parties communes. Demiati avait refusé et avait porté plainte contre Trouchelou pour discrimination religieuse. Lors du procès qui s'est ensuivi, l'avocat de cette dernière, maître Alexandre Varro, a déclaré que sa cliente n'avait pas refusé de loger Demiati à cause de sa religion, mais parce qu'elle portait un voile. Le foulard, et je cite, « Le foulard a proclamé Maître Varro devant le tribunal. Le foulard, ce n'est pas simplement un signe religieux, c'est fait pour cacher que l'on est une femme. C'est fait pour cacher que l'on est une femme. » Il s'est tourné alors du côté de Horia Demiati et lui a demandé, « Et vous, Madame Demiati, pourquoi portez-vous ce voile ?» Ses avocats lui avaient conseillé de ne pas répondre, et pourtant, elle se sentit obligée de répondre. Elle m'a dit plus tard, « Je ne pouvais pas ne pas répondre. Je voulais m'expliquer, je lui ai simplement dit que c'était le résultat d'un cheminement personnel et spirituel. » Même s'ils sont de nature très différente, ces deux cas révèle un aspect important du pouvoir séculaire, secular power. Dans les sociétés séculaires, secular societies, y compris la France, la religion et le sexe sont en grande partie des affaires privées, situées au-delà de l'intervention de l'État. Et pourtant, ces deux cas montrent comment la défense de la laïcité repose en réalité sur la violation de la frontière entre public et privé, alors même que cette frontière est fondamentale pour l'organisation de la vie politique et sociale dans un régime séculaire. Cette frontière est violée d'abord en ce que le sexe et la religion des musulmans en France deviennent l'objet d'un débat public intense et l'occasion d'une régulation étatique. Elle est violée une seconde fois en ce que les pratiques politiques et juridiques visant à protéger la laïcité obligent des femmes musulmanes à révéler les détails les plus intimes de leur vie sexuelle et spirituelle dans la sphère publique. La laïcité française, comme tout régime séculaire, est ainsi prise en tenaille entre deux impératifs contradictoires, rendre au privé et surveiller. Ces deux impératifs produisent de plus un ensemble d'exigences contradictoires auxquelles sont soumis les objets de la régulation étatique, c'est-à-dire se cacher et s'exhiber, maintenir la vie privée et la rendre publique. Et voici donc la ruse ultime du pouvoir séculaire. Sommées simultanément de cacher et d'exhiber leur sexe et leur religion, les femmes musulmanes deviennent coupables de transgresser la frontière qui sépare le public et le privé, c'est-à-dire la frontière même que le pouvoir séculaire installe et démonte simultanément. Alors, un mot sur la structure du présent exposé. La première partie met l'accent sur la régulation de l'islam en tant que religion. La seconde partie sur la régulation de la sexualité des arabo-musulmanes. Dans une troisième partie, j'essaierai de tisser ensemble ces deux fils parallèles et de réfléchir sur la construction simultanée et interdépendante des formes correctes de la religion et de la sexualité, telles qu'elles doivent être, c'est-à-dire convenables. Et enfin, dans une quatrième partie, je vais traiter ce que je viens d'appeler la ruse du pouvoir séculaire. J'en viens donc à ma première partie qui porte sur la régulation de la vie religieuse. Même si la laïcité est plus généralement ce qu'on nomme en anglais le sécularisme, sont définies comme la séparation de l'Église et de l'État, donc de la religion et de la politique, un certain nombre de chercheurs ont soutenu que le sécularisme entraîne au contraire une intervention administrative et judiciaire dans la vie religieuse, dans un but de régulation. En France, la laïcité se pose depuis longtemps une refondation de la vie communautaire. Par rapport à l'islam en particulier, l'État français a radicalement restructuré la tradition islamique dès le 19e siècle et la colonisation de l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Il a refaçonné à sa guise les sensibilités musulmanes, y compris ce que veut dire être musulman, pour les rendre conformes aux normes de la sécularité moderne. C'est ainsi que l'État séculaire définit l'espace occupé par la religion, dicte les sensibilités qui seront autorisées et ensuite travaille à discipliner les traditions religieuses en conformité avec cette notion abstraite et ses sensibilités afférentes. Le résultat de tout ceci est l'une des contradictions propres au pouvoir séculaire. Les discours et les pratiques politiques et judiciaires qui s'efforcent de séparer la religion privée et la politique public nécessite que soient constamment transgressées les limites entre la religion et la politique, entre le public et le privé, c'est-à-dire les limites même que l'État séculaire s'efforce de mettre en place. Au-delà de cette contradiction initiale, toutefois, il y en a une autre, la sécularisation de l'islam dans le cas présent. La sécularisation exige une surveillance constante des espaces privés auxquels la religion est assignée, afin de vérifier que les musulmans pratiquent leur religion d'une façon proprement religieuse. Nous découvrons ainsi les impératifs contradictoires du pouvoir séculaire, séparer et surveiller, privatiser et réguler. Rappelons-nous ce que disait Michel Foucault à propos de la répression comme incitation, la façon dont, la mise en discours du sexe, loin de subir un processus de restriction, a au contraire été soumise à un mécanisme d'incitation croissante. Fin de citation. Il se trouve que l'argument de Foucault s'applique également à la régulation de la religion. La religion aussi, comme le sexe, loin de subir un simple processus de restriction par l'État séculaire, a été soumise à un mécanisme d'incitation croissante. En effet, au-delà des diverses régulations qui s'efforcent de faire de l'islam une vraie religion, entre guillemets, et de refaçonner les sensibilités musulmanes en accord avec cette religiosité séculaire, il est remarquable à quel point l'on parle de l'islam dans la sphère publique française. Si le renouveau islamique entraîne la participation des adhérents ordinaires, de ceux qui n'ont pas suivi un cursus de théologie et de jurisprudence islamique au sens classique, on peut dire exactement la même chose de la laïcité aujourd'hui. Les médias et les alliés du gouvernement sont devenus des centres où l'on discute doctement de la séparation entre l'islam et l'islamisme, entre la vraie religion et la religion politisée, entre la religion et la politique. La vraie religion, entre guillemets, se situe dans la sphère privée, que ce soit au sens de la croyance individuelle ou au sens des espaces religieux spécialement désignés à cet effet, comme la mosquée. Les pratiques de l'islam qui sortent de ces espaces sont par conséquent considérées comme des formes d'intégrisme, comme des excès de religiosité, qui en réalité ne sont pas vraiment religieux, mais politiques. L'une après l'autre, de multiples commissions gouvernementales ont proclamé que le voile n'est pas une obligation coranique, ni l'un des piliers de l'islam. Comme l'a naguère dit l'ancienne ministre Françoise Hostalier, je cite, le voile n'est pas un geste religieux, c'est un geste politique. C'est le refrain que l'on entend un peu partout. En même temps, puisque le voile n'est pas une vraie pratique religieuse, toutes celles qui le portent sont immédiatement suspectes. L'avocat Varro, l'avocat de Fanny Trouchelou, n'est pas le seul à demander pourquoi portez-vous ce voile? Le fait qu'on pose constamment cette question et que l'on scrute les motivations, les désirs et les intentions des femmes voilées constitue pour elles une incitation à parler de leur vie religieuse, à justifier leur pratique et à révéler les dédales intimes de leur foi. Exactement comme Horia Demiati s'était sentie obligée de répondre à la question de Varro, beaucoup de femmes voilées ressentent aujourd'hui la même obligation. Prenez par exemple un article de Felwine Sarr paru dans Zuma.com il y a quelques années. Sarr critique le fait que, et je cite, les femmes musulmanes sont interrogées de manière inquisitoriale sur les raisons de leur choix de porter le voile. Et déclare, elle Sarr déclare, elles ne devraient pas avoir à se justifier en ce qui concerne la validité de leur raisonnement. Les raisons de leur choix sont complexes, elles leur appartiennent et elles proviennent d'une casuistique intime. Fin de citation. Après avoir ainsi affirmé que les femmes voilées n'ont pas à se justifier, Sarr consacre ensuite les quatre paragraphes suivants à faire précisément cela. À exposer en détail la relation entre soi et son corps, à expliquer les notions d'intimité sur lesquelles repose la pratique du voile. La structure ambivalente de la réponse de Sarr fait écho au raisonnement de Horia Demiati devant le tribunal. D'un côté, Demiati ne voit pas pourquoi elle devrait expliquer une démarche spirituelle qui lui est personnelle. Je lui devais aucune explication, elle m'a dit. D'un autre côté, cependant, selon ses propres termes, elle ne pouvait pas ne pas lui répondre. Et contre l'avis de ses avocats, elle désirait en fait répondre. Je voulais expliquer, elle m'a dit, afin de montrer qu'elle est une Française normale, moderne, non pas une victime des intégristes, ni intégriste elle-même. Toujours à nouveau interpellée comme étant religieusement déviante, elle doit prouver qu'il n'en est rien. Comme Sarr, elle ne peut résister à l'obligation de répondre. L'obligation opère ici sur deux registres, celui de l'exigence extérieure et celui du désir. L'exigence extérieure de rendre compte d'elle-même devient une exigence intérieure, une obligation personnelle. De la même façon qu'elle opère comme une incitation au discours, cette double obligation opère aussi au niveau de la vie sexuelle des femmes arabo-musulmanes. J'en viens donc à la seconde partie de cet exposé qui porte sur la régulation de la sexualité de ces femmes. Durant la décennie écoulée, la France a introduit, comme vous savez, une série de lois de plus en plus restrictives, y compris les interdictions du voile de 2004 et 2010, dans le but de protéger la laïcité et d'émanciper les femmes musulmanes de la tradition islamique supposée être sexuellement répressive et patriarcale. De plus, le discours à propos de l'intégration des immigrés repose de plus en plus sur la distinction entre le sexe déviant et le sexe normal. Les déviations de la normale les déviations de la norme sexuelle, c'est-à-dire la polygamie, viol collectif, mariage forcé, violence conjugale, sexuelle, étant considérées comme des signes d'une altérité culturelle musulmane aberrante. La liberté et l'égalité sexuelle prétendument garanties par la laïcité française reposent ainsi sur un projet de régulation sexuelle et de normalisation de la population d'origine immigrée en France, un projet qui oscille constamment entre les domaines publics et privés, alors même qu'il tente d'enseigner aux musulmans les normes laïques de la différenciation entre public et privé. Le mariage est ainsi devenu le domaine par excellence de la régulation juridique et des références aux dangereuses déviations, mariage forcé ou frauduleux, et des références aux dangereuses déviations du mariage vrai et républicain abondent dans les débats sur l'immigration. En avril 2006, par exemple, une loi visant la violence conjugale a accru le pouvoir des juges pour annuler les mariages forcés ou arrangés. La loi autorise ces mêmes juges à enquêter sur les mariages suspects et à annuler les mariages frauduleux, c'est-à-dire les mariages contractés non par amour, mais pour faciliter la résidence en France, les mariages blancs ou mariages gris. Une loi identique datant de 2003, destinée à combattre la fraude autour du mariage, autorise les officiers d'état civil à demander un entretien séparé avec chacun des futurs conjoints, s'ils ont des doutes à propos des vrais, entre guillemets, des vraies raisons pour le mariage. L'historienne Judith Surkis a noté avec justesse que ces lois visant à réguler les mariages binationaux sont des actes de souveraineté nationale, une souveraineté qui est exercée en polissant la liberté sexuelle des femmes, et spécialement des femmes musulmanes, dans le but de la protéger. La régulation des mariages binationaux et la volonté étatique de scruter l'intimité des personnes d'origine immigrée viennent en parallèle à d'autres mesures déployées contre les femmes immigrées ou d'origine immigrée, dans le but de garantir les normes sexuelles de la République. En mars 2003, par exemple, une nouvelle loi de sécurité nationale a criminalisé le racolage passif, autorisant ainsi la police à déterminer elle-même ce qui constitue un racolage passif. Toute femme dont l'habillement ou l'attitude donne l'impression qu'elle se prostitue encourt une amende et une peine de prison pouvant aller jusqu'à 2 mois. La loi stipule également qu'un non-citoyen arrêté pour racolage passif peut avoir son titre de séjour révoqué, ce qui constitue une indication très claire sur la place de cette loi, que la place de cette loi fait partie d'un projet général de contrôle sur les immigrés. Ces pratiques d'État, dont le but est de normaliser les pratiques sexuelles des immigrés et de les rendre laïques et républicaines, ne pourraient pas se mettre en place sans une pénétration et une surveillance exercées dans le domaine le plus intime, celui de la chambre à coucher et du désir individuel. L'anthropologue Talal Assad a bien expliqué que l'un des aspects de la souveraineté séculaire est précisément le pouvoir de l'État de déterminer ce qui constitue un signe religieux et quelle en est la signification. Il soutient que l'État ne se limite pas à ce qui est visible, mais se donne le droit et le pouvoir de déchiffrer les processus psychologiques comme le désir et la volonté. Ces remarques s'appliquent également au domaine de la sexualité. La loi sur le mariage dont je viens de parler et la loi de 2003 sur le racolage passif demandent toutes deux aux magistrats de déterminer les intentions non déclarées des sujets soumis à leur surveillance. Les magistrats doivent ainsi déterminer si les couples qu'ils ont en face d'eux sont mus par un amour sincère, la base normative pour le mariage moderne, ou si leur mariage est frauduleux, c'est-à-dire n'a rien à voir avec l'amour. Donc, les magistrats doivent poser des questions destinées à révéler l'intimité qui existe entre les futurs conjoints. Quelles sont les préférences sexuelles de votre conjoint est une question fréquemment posée. De même, la police doit déterminer si une femme dans la rue a l'intention de solliciter des relations sexuelles tarifées et pour cela lire leur comportement et leur habillement comme des signes extérieurs d'une intention intérieure. Dans ces deux cas-là, les autorités publiques doivent rendre externes et publics ce qui est ostensiblement interne et privé, et le faire au nom de la protection d'une sexualité normative qui repose sur une forte distinction entre le public et le privé, l'externe et l'interne, le politique et l'intime. Pour le dire autrement, la réforme visée du comportement sexuel des sujets d'origine immigrée de façon à la rendre conforme à l'arrangement public-privé particulier sur lequel repose la sexualité laïque républicaine, exige que soit constamment franchie cette frontière qui sépare public et privé. De nombreuses femmes qui se disent musulmanes laïques en sont venues à jouer un rôle central dans ce projet étatique de réforme de la sexualité d'origine immigrée. Prenons les exemples de Fadela Amara et Lubna Melian, les cofondatrices de Ni Pute Ni Soumise. C'est la première fois que je n'ai pas besoin de définir Ni Pute Ni Soumise, parce qu'en anglais, il faut toujours le traduire, en fait. Donc, je dis « neither whores nor doormats ». Une grande partie du succès de ce mouvement doit être attribuée à la façon dont ces figures de proue s'affichent comme des femmes libérées, bien intégrées, constituant des contrepoids bienvenus à la menace de la femme musulmane voilée. Dans cette façon de voir les choses, la libération et l'intégration se produisent par une acceptation des normes hétérosexuelles laïques républicaines. Dans son autobiographie, par exemple, Fadela Amara identifie le maquillage et un certain type de vêtements, c'est-à-dire, et je cite, « mini-jupe, jean collant, chemisier demi-pointure et t-shirt court » comme une manière de démontrer notre féminité contre le patriarcat musulman. De même, Méliane a écrit, et je cite, « Il vaut mieux porter une mini-jupe et assumer sa féminité que se cacher derrière un voile afin d'éviter le regard des autres. » Fin de citation. Méliane et Amara font comme si certaines pratiques vestimentaires sont essentielles à la féminité et par conséquent, elles définissent la féminité comme une mise à disposition du corps au regard masculin. Elles considèrent aussi le fait de se maquiller et de porter des vêtements qui dévoilent le corps comme des actes de libération et d'égalité sexuelle. Dans cette rhétorique de la disponibilité au regard comme normalité sexuelle, le voile devient non seulement anti-laïque, mais aussi sexuellement anormal et fondamentalement répressif sur le plan sexuel. Les interventions de Méliane et Amara éclairent la manière dont les normes en matière de sexe et de sécularité en sont venues à coïncider. Si une intégration réussie dans la République implique que l'on s'approprie les normes sexuelles séculaires, on ne sera pas étonné de voir que l'autobiographie, le plus intime des genres non fictionnels, est émergée comme une source populaire d'information sur les vies des arabo-musulmanes françaises. La plus impressionnante parmi ces autobiographies demeure celle de Samira Bellil, dans L'Enfer des Tourmentes, où elle raconte son itinéraire de fille violentée par son père, devenue victime de multiples viols collectifs dans les caves des HLM, puis sa descente aux enfers de la toxicomanie, jusqu'à sa guérison finale, qui inclut un apprentissage de la sexualité normale et des relations romantiques. Même si Bellil considérait son livre comme une histoire profondément personnelle, et même si l'écriture du livre était pour elle un acte thérapeutique, son psy l'a encouragée à le publier. La publicité des éditeurs a présenté le livre comme une fenêtre sur la sauvagerie sexuelle généralisée régnant dans les banlieues. Ainsi, et je cite la prose de l'éditeur, le texte dévoile la violence sexuelle qui a été institutionnalisée et rendue banale dans les banlieues. Fin de citation. La métaphore du dévoilement utilisée par l'éditeur de Bellil est tout à fait parlante. Si Bellil, d'une certaine façon, ôte le voile qui recouvre la vie dans les banlieues, elle le fait en livrant au public son passé troublé sur les plans familial, sexuel et amoureux. La structure de ce double dévoilement met en évidence la manière dont le mythe de l'intégration laïque républicaine, dans laquelle une sexualité normalisée est un signe d'intégration réussie, exige de femmes comme Bellil, Amara et Méliane à révéler publiquement les détails les plus intimes de leur vie privée afin d'être reconnues comme sujets intégrés. Si le sexe normal et le sexe privé Ces musulmanes doivent néanmoins prouver leur normalité en affichant leur vie sexuelle dans la sphère publique pour consommation par un public littéraire. S'il est vrai que Belil et d'autres comme elle, en dévoilant leur vie privée et sexuelle, ont été au moins en partie acceptés comme des sujets intégrés, d'autres musulmanes françaises, et surtout de femmes voilées, ne l'ont pas été, alors qu'elles ne sont pas moins incitées à parler publiquement de leurs croyances et de leurs pratiques sexuelles. Prenez par exemple un épisode de l'émission 100 minutes pour comprendre, en janvier 2004, intitulé Dieu et la République. Alors que l'émission concernait essentiellement la loi interdisant les signes religieux, soudain, au beau milieu de l'émission, un segment pré-enregistré a été diffusé sur les certificats de virginité. Le segment en question commence par observer que beaucoup de femmes musulmanes immigrées demandent des certificats de virginité de leur belle-fille potentielle. Il donne ensuite la parole à une association locale qui s'élève contre les certificats de virginité et qui comprend en son sein un certain nombre de femmes voilées. La journaliste interviewe une de ces femmes voilées qui, bien que soulignant l'importance de ne pas avoir des relations sexuelles avant le mariage, constate qu'aucune femme ne devrait avoir besoin de se montrer de cette façon. Une telle attitude est parfaitement logique du point de vue de la souveraineté corporelle, et pourtant, la journaliste présente la prise de position de ces femmes voilées contre les certificats de virginité comme paradoxale, notant avec stupéfaction que, et je cite, bien qu'elles soient contre les certificats, elles sont pour la chasteté avant le mariage, comme si c'était une question profondément paradoxale. Lorsque l'émission revient aux intervenants sur le plateau, le modérateur se tourne immédiatement vers la militante musulmane Saïda Kada, une parmi la douzaine d'autres invitées, et lui demande: est-ce que c'est vrai ce que nous avons entendu? Bien sûr que c'est vrai, répond Saïda Kada, mais nous parlons de quelque chose, c'est-à-dire les abus sexuels et les certificats de virginité, pour lesquels l'islam et le voile n'ont aucune responsabilité. Ensuite, Sada vite exprime sa propre désapprobation en ce qui concerne la pratique des certificats. Ce moment est remarquable en ce qu'il exemplifie un double manœuvre tout à fait commun. D'abord, les partisans de la laïcité associent explicitement le foulard aux pratiques sexuelles anormales et à la violence sexuelle. Ensuite, ils exigent que les femmes voilées s'expliquent face à cette association. Ainsi, Kada est mise en examen de prouver sa normalité autant que sa légitimité sur le plateau en tant qu'interlocutrice en condamnant les pratiques sexuelles aberrantes. Parce qu'elle porte un foulard et qu'elle est donc immédiatement suspecte sexuellement, Kada est obligée de s'afficher comme sexuellement normale en révélant ses croyances sexuelles en public. Mais précisément parce qu'elle porte un foulard et qu'elle est religieusement suspecte, elle ne peut en aucun cas être sexuellement normale dans les termes de la laïcité française. Son point de vue demeure paradoxal au mieux et au pire un double discours intégriste. Ces actes d'incitation, de surveillance et des critiques se produisent également dans des contextes moins médiatisés. Karima, une interlocutrice de longue date, me décrivait le type d'obligations discursives auxquelles elle est amenée à faire face dans sa vie quotidienne après sa décision de porter le voile il y a une dizaine d'années. Et je cite: quand tu es musulmane voilée, m'a dit-elle, les gens veulent te connaître intimement. Et puisque le voile reste tellement mal vu en France, tu fais tout pour être acceptée. Même elle se sent aujourd'hui moins dépendante du regard des autres pour s'accepter elle-même. Elle m'a raconté comment, les premières années où elle portait le foulard, elle s'obligeait constamment à sourire et à aborder les gens de manière à prouver qu'elle était sans complexe. Il te vole, et je la cite à nouveau, il te vole tes mots dans les médias, tu parles dans l'espace privé pour dire: regardez, je suis normale. Lorsque j'ai commencé à porter le foulard, j'avais besoin de parler, de prouver que j'étais normale. Fin de citation. Le besoin de parler éprouvé par Karima fait écho à celui que à celui de Horia Demiati quand l'avocat Varro lui a demandé pourquoi elle portait le foulard. D'un côté, Demiati se rendait compte que sa spiritualité était une affaire privée. De l'autre, elle se sentait obligée de répondre à la question, de montrer que sous le foulard, il y avait une femme normale. Si Demiati a été amenée à parler publiquement de religion et à révéler les contours de sa vie spirituelle, Karima est, quant à elle, obligée de parler de religion et de sexe. Elle m'a raconté ses expériences dans une boîte à Paris où elle travaillait avec une amie, elle aussi voilée. Notre chef Anne, elle m'a dit, notre chef Anne a vu immédiatement que nous étions voilés et tu sais quoi, elle a immédiatement posé des questions. Comment vivez-vous? Que pensez-vous de la polygamie? Parlez-moi de votre sexualité, etc. Karima a répondu honnêtement qu'elle n'était pas contre la polygamie, expliquant qu'elle trouvait le cadre de la polygamie moins absurde que l'adultère. Mais elle sait qu'en s'exprimant de la sorte, elle va en subir les conséquences. « Je risque de passer pour une intégriste », elle m'a dit. Elle reconnaît aussi la dynamique à l'œuvre dans ses incitations à parler de sexe. « On te teste », elle m'a dit. « On te parle d'homosexualité, on te parle avec des mots crus à propos du sexe, on te teste. Tu dois prouver que tu es normale. » Elle m'a décrit un autre moment avec Anne, où cette dernière, s'adressant avec nonchalance à Karima, qui, rappelez-vous, était son employée, pas son amie. Anne a dit à Karima qu'elle aimerait prendre un amant. Elle a demandé alors à Karima ce qu'elle en pensait. Celle-ci s'est mise à rire en se souvenant de cette conversation absurde. Qu'est-ce qu'elle voulait que je lui dise? C'est haram, c'est interdit. Qu'est-ce qu'elle voulait que je lui dise? Et puisque Karima s'était déjà affichée comme intégriste dans leur précédente conversation, cette fois, elle s'est tue. Je reviendrai à Karima et à la situation inextricable dans laquelle elle se trouvait un peu plus tard dans mon exposé. Avant d'y arriver, j'aimerais relier les deux aspects de cet exposé, celui qui porte sur la régulation de la religion et celui qui porte sur la régulation du sexe, afin de considérer ces mécanismes régulatoires non pas simplement comme étant des modalités de pouvoir séculaire qui courent en parallèle, mais comme fortement imbriquées l'une dans l'autre. Pour cela, je vais revenir à Ni pute ni soumise et à la série de juxtapositions qu'elles nous permettent de mettre en évidence. Comme le suggère le nom de l'organisation, le modèle d'hétéroféminité, en anglais c'est femininity et en français c'est féminité, le modèle d'hétéroféminité adopté par Ni pute ni soumise est produit et reproduit par un contraste sexualisé entre la musulmane laïque sexuellement normale et ses deux contrepoints sexuellement anormaux, la soumise, la femme voilée, et la pute. Si la soumise représente la sexualité réprimée et l'absence de féminité, la pute représente une sexualité excessive qui sort des limites de la bonne féminité. De plus, si l'abnormalité sexuelle de la soumise provient de son refus de participer à la féminité consumériste, la pute, quant à elle, pousse le consumérisme trop loin en faisant de son corps une marchandise. De cette façon, la juxtaposition sémantique mise en acte par NPNS répète un régime régulatoire plus large, illustré par les diverses lois que j'ai mentionnées précédemment, qui criminalisent la prostitution et le voile. En d'autres termes, NPNS met en évidence une logique laïque républicaine. Être sexuellement normal et donc entièrement laïque ou séculaire, c'est n'être ni pute ni soumise. Cette structure en nini de la sexualité laïque républicaine est elle-même répétée à l'intérieur de la figure de la soumise, c'est-à-dire la musulmane voilée. Prenez une fois de plus la déclaration de Maître Varro dans le procès d'Emiati Trouchelu, cette déclaration selon laquelle le foulard n'est pas simplement un signe religieux, il est porté pour cacher que l'on est une femme. Varro exprimait là une idée passablement rébattue, selon laquelle le foulard dissimule le fait d'être femme. Dans cette logique, les femmes perdent leur identité féminine si leurs corps ne sont pas visibles. John Scott soutient de manière assez convaincante que dans l'idéologie républicaine, l'identité féminine dépend du désir masculin et que le désir masculin dépend de la stimulation visuelle. D'où la notion selon laquelle les femmes voilées, pour user de l'expression de Lubna Melian, cachent leur féminité derrière un voile, et cette fois dans les termes de Varro, elles cachent le fait qu'elles sont des femmes. Le sexe et le genre se confondent dans cette interprétation du voile. On mérite d'être qualifié de femme si l'on est féminine et donc si l'on participe à l'hétérosexualité normative. Et cette sexualité normative exige qu'une femme soit découverte, qu'elle expose sa féminité, qu'elle révèle son sexe. Et pourtant, l'exigence adressée aux femmes d'afficher leur sexe est couplée avec l'exigence simultanée et inverse, celle qui leur demande de le cacher. D'un côté donc, les féministes républicaines majoritaires identifient l'égalité des genres, l'égalité homme-femme, avec l'émancipation sexuelle et la visibilité du corps féminin. De l'autre, beaucoup de ces mêmes féministes critiquent depuis longtemps l'exhibitionnisme sexuel qui réduit la femme à son corps sexuel. Il se trouve que l'égalité homme-femme repose sur une certaine visibilité du corps féminin, d'où l'exigence de la part des enseignants dans les écoles publiques avant 2004, avant la loi. Ils demandent aux élèves voilées, qui montraient apparemment trop peu d'elles-mêmes, qu'elles descendent légèrement leur foulard pour montrer un peu de cheveux et leurs oreilles en guise de compromis. Mais les filles ne doivent pas trop montrer non plus d'elles-mêmes, comme on a pu le constater en 2003 avec l'affaire du string. Lorsque certains lycées ont renvoyé chez elles les filles dont les strings étaient visibles entre les pantalons à coupe basse et les t-shirts. On s'est affligé d'hypersexualisation des jeunes filles et, comme l'a déclaré Ségolène Royal, de la manière dont, et je cite, aux yeux des garçons, les strings réduit les jeunes filles à un postérieur. Fin citation. C'est cette relation ambivalente à la visibilité sexuelle du corps féminin que l'on constate chez les critiques du voile. En effet, d'une part, le voile est critiqué pour être quelque chose qui cache le corps sexué, mais il est aussi critiqué, parfois par les mêmes personnes, pour le fait qu'il sexualise le corps d'une façon excessive en attirant l'attention sur lui. Autrement dit, ses détracteurs prétendent que le voile révèle d'une façon contradictoire ce qu'il est censé cacher, notamment la sexualité du corps féminin. D'après une politologue anglaise, le voile, et je cite, « révèle en recouvrant. La sexualité qui doit être voilée est produite performativement par l'acte même du voilement. » Fin de citation. S'il avait intention de dissimuler, c'est raté. Le voile désormais expose. Il hypersexualise les femmes, il confirme la présence d'un système inégalitaire des genres fondé sur la différence et l'inégalité sexuelle. C'est là, on l'aura compris, l'argument de la critique séculaire du voile. La théoricienne féministe australienne Bronwyn Winter répète cette thèse dans son analyse de la controverse française autour du hijab. Elle observe l'étroite relation entre chevelure et sexualité dans diverses sociétés patriarcales. Et elle compare les femmes voilées aux, je cite, mannequins, danseuses, chanteuses, stripteaseuses, escortes, hôtesses et travailleuses du sexe, qui affichent souvent, avec une nonchalance étudiée, des coiffures élaborées dans une chorégraphie soigneusement codée. Le hijab est par excellence un marqueur d'hypersexualisation. Fin de citation. Se tournant vers ce qu'elle appelle la nature paradoxale du hijab français, Winter cite la féministe marocaine Maria Bernini, interviewée dans Libération. Et là, je cite Bernini. Si l'on se réfère à l'esprit du Coran, l'objectif du voile est que les femmes n'attirent pas l'attention, ne soient pas regardées. Les jeunes Françaises qui portent le voile, elles ne le font pas pour devenir invisibles, mais au contraire pour devenir visibles. Le voile ne les protège pas, il les expose. Il constitue un mélange étrange de rébellion, de religion et de star académie. Fin de citation. En se servant de cette constatation de Maria Bernini, une opinion largement partagée aussi bien par les républicains français que les libéraux anglo-saxons, Winter cherche à mettre en évidence la nature contradictoire du foulard. Il est supposé cacher que l'on est une femme, mais il finit par le révéler en excédant les protocoles normaux de la sexualité féminine. Il est intéressant de noter que la femme voilée et la prostituée sont une fois de plus juxtaposées ici, mais cette fois plutôt comme des figures analogues d'hypersexualisation. La musulmane voilée devient épute et soumise. Dans cet encadrement, le voile révèle trop ou trop peu, ou à la fois trop peu et trop. Dans tous les cas, la référence de Winter aux stripteaseuses, aux travailleuses du sexe et aux femmes voilées, toutes dans le même panier, invoque la logique ni-ni de la sexualité laïque républicaine, dans laquelle les femmes doivent révéler quelque chose de leur corps sexué, mais pas trop quand même. La base de la normativité sexuelle laïque est dans ce dosage, ni trop, ni trop peu, ni pute, ni soumise. La juxtaposition effectuée par Maria Bernini, le foulard comme une étrange mélange de religion et Star Academy, et elle est aussi révélatrice. Étrange mélange, oui, parce que la religion est censée être d'ordre privé, pas affichée en public. À l'intérieur de la définition conventionnelle de la religion, celle-ci vise l'au-delà, le transcendant, et se manifeste dans les pratiques ascétiques si elles se manifestent. À l'intérieur de cette définition séculaire, toute préoccupation tournée vers l'ornement est jugée incompatible avec la religiosité, surtout si l'ornement en question signale la sexualité féminine. L'idée que la religion n'a rien à voir avec la sexualité ou la féminité sous-tend l'opinion, très répandue parmi les sécularistes ici et dans des contextes anglo-saxons, selon laquelle porter un foulard tout en étant maquillée et habillée à la mode est contradictoire. La féministe égyptienne Nawal Assadawi est un bon exemple de ce type de réaction. Voici ce qu'elle a écrit à propos des jeunes Françaises qui, en 2004, protestaient contre la loi interdisant les signes religieux à l'école publique. Et je cite Assadawi. Les jeunes femmes voilées étaient souvent en jean moulant, leur visage portait des couches de maquillage, leurs lèvres étaient peintes en rouge, leurs cils étaient épaissés avec du mascara noir et bleu. Fin de citation. C'est bien sûr à nous, lecteurs, de reconnaître cette contradiction évidente entre la vraie piété et ce type d'ornementation féminine sexuelle. Une contradiction qui signale une religiosité fausse ou pas authentique. De même, Winter réfère à ce qu'elle appelle le syndrome Star Academy pour mettre en question la religiosité des filles voilées. Et je cite, le hijab hybridisé est devenu vraiment à la mode, écrit-elle. Ou bien, c'est chic d'aujourd'hui à être une jeune fille musulmane moderne en jean tendance et en hijab. Winter insinue donc que les filles musulmanes adoptent le hijab non par conviction religieuse, mais parce qu'elles veulent être cool. Sa lecture des intentions non déclarées de ces filles repose sur la juxtaposition des jeans tendance et du hijab, qui à son tour repose sur l'hypothèse habituelle selon laquelle la religion, la vraie religion, n'a rien à faire avec ces marques de la sexualité féminine. La critique de Winter montre à quel besoin l'impératif séculaire à définir la religion proprement dite et la sexualité proprement dite ou convenable repose sur l'opposition entre sexe et religion. La religion et la sexualité sont réunies dans cette logique pour démarquer ce qui est proprement religieux, ce qui n'est donc pas sexuel, et ce qui est proprement sexuel, ce qui n'est pas religieux. Cette opposition entre sexe et religion anime depuis très longtemps la vision de l'islam comme étant trop concernée par le sexe pour être une vraie religion. Rappelez-vous les versets sataniques de Salman Rushdie en 89 et son récit du prophète comme pervers. Le Mohammed de Rushdie, appelé Mahound, est un clown et un prédateur sexuel qui couche avec tant de femmes que sa barbe en devient à demi blanche en l'espace d'une année et qui autorise la polygamie comme, et je cite Rushdie, la permission donnée par Dieu de baiser autant de femmes qu'il en a envie. Le Coran de Rushdie est essentiellement un manuel de rapports sexuels et de rapports sexuels pervers, c'est-à-dire la sodomie. Le noyau de la plaisanterie et le frisson de moquerie proviennent du fait que sexe et religion sont juxtaposés par Rushdie. Le roman joue donc sur l'idée essentielle pour l'imaginaire chrétien et séculariste que l'islam n'est pas une vraie religion parce qu'il autorise le sexe et le sexe déviant comme un lieu de plaisir. Et pour en revenir ainsi à mon argument principal, l'État séculaire ou laïque ne met pas seulement en pratique des régulations parallèles du sexe et de la religion, bien au contraire, c'est ensemble que sont constituées et normalisées la religiosité laïque et la sexualité laïque. Alors voilà la troisième partie de cet exposé. Je vais maintenant expliquer brièvement ce que j'entendais par la ruse du pouvoir séculaire, une ruse dont j'ai fait la démonstration indirecte tout au long de cet exposé. Rappelez-vous les interactions de Karima avec son chef lorsqu'elle est interrogée, nous pourrions dire incitée à discours sur l'adultère et la polygamie. Son expérience illustre non seulement l'incitation générale à afficher croyances et pratiques sexuelles et religieuses, qui est devenue la marque du sécularisme, mais il illustre aussi la ruse qui se cache derrière dans cette incitation. Karima est obligée de parler de sexe pour prouver qu'elle est normale. Mais quand elle parle, quand elle rend publique ce qui, sans cela, serait resté privé, à savoir son opinion sur la polygamie et l'adultère, elle se révèle d'exister en dehors de la norme sexuelle séculariste. En somme, elle rate le test, elle rate l'examen de passage. Et de fait, ce test est mis en place pour que des femmes telles Karima et Saïda Kada apparaissent comme des ratées de l'intégration, comme sexuellement et religieusement anormales. Après tout, c'est précisément parce que, en tant que femmes voilées, elles sont dès le départ suspectées d'être anormales religieusement et sexuellement, qu'elles doivent prouver qu'il en va autrement. Et pourtant, le fait qu'elles portent le foulard, donc qu'elles souscrivent à une idéologie sexuelle différente de la sexualité républicaine et à un ensemble de normes islamiques différentes de la religiosité laïque, rendent impossible leur réussite à l'examen de passage. Constamment sommées de rendre public, de parler en public de ce qui normalement est de l'ordre privé, à savoir les croyances et pratiques sexuelles et religieuses, les musulmanes et surtout les musulmanes voilées, ne peuvent que se disqualifier elles-mêmes comme non normales, non laïques et non françaises. La ruse du pouvoir séculaire aide donc à différer et à déplacer les tensions fondamentales du sécularisme, tensions qui émergent d'impératifs contradictoires, séparation et régulation, respect de la sphère privée et surveillance du citoyen. J'ai montré que les discours publics et les pratiques politiques qui essaient de réguler le sexe et la religion ont pour effet de contrevenir à la distinction privée-publique qui sous-tend la sexualité et la religiosité normative. Autrement dit, le pouvoir séculaire franchit constamment la barrière qu'elle cherche à ériger. La faute de cette transgression, cependant, retombe sur la tête des autres, et dans ce cas, les musulmans, et surtout les musulmanes. Elles sont incitées par les autorités séculaires à révéler publiquement les détails les plus intimes de leur vie sexuelle et religieuse, et ensuite elles sont reconnues coupables de le faire, d'exhiber en public ce qui aurait dû rester privé. Voilà le geste double qui constitue la ruse du pouvoir séculaire. De plus, alors même que ce processus comporte évidemment une spécificité historique, si l'on s'en tient aux musulmans de France, il n'en reste moins que ces impératifs contradictoires qui sont ceux de l'État, surveiller et rendre au privé, ainsi que les incitations contradictoires à se cacher et à se révéler, ont joué un rôle central également pour la régulation d'autres communautés religieuses et sexuelles hors normes, comme les homos et les juifs. Je le répète donc, la ruse du pouvoir séculaire déplace la faute de cette transgression sur les sujets non normatifs de la régulation, qui deviennent dès lors responsables des tensions et des contradictions de l'État séculaire ou laïque. Ironiquement alors, en dissimulant sa nature, le pouvoir séculaire fait que les musulmans en France, et non le pouvoir séculaire ou l'État laïque, sont vus comme ceux-là même qui sapent la barrière entre le public et le privé. Si vous me permettez, je crois que j'ai 5 minutes. Non, c'est bon. Je vais conclure par une courte série de questions méthodologiques et historiques pour guider un peu la discussion. D'abord, est-ce qu'il y a une spécificité du mécanisme que j'appelle la ruse du pouvoir séculaire par rapport aux musulmans de France et dans l'Occident, les musulmans dans l'Occident? Ou est-ce que c'est un mécanisme plus général, plus global? Quel rôle joue l'islamophobie dans ce mécanisme, cette logique du pouvoir plus large? Méthodologiquement, où sont les autres sites où se déroule ce mécanisme? Autrement dit, qu'est-ce que je dois examiner? On en a parlé, moi, Abdelali. Qu'est-ce que je dois examiner en tant qu'anthropologue, en tant que chercheuse? Qu'est-ce qui devrait être mon objet d'observation empirique pour suivre cet objet d'étude, c'est-à-dire le pouvoir laïque et cette ruse? Et enfin, et ça c'est une question beaucoup plus large, enfin, y a-t-il une généalogie spécifiquement chrétienne derrière l'opposition entre piété religieuse et plaisir sexuel? Opposition qui n'existe pas ou qui est beaucoup moins prononcée dans la tradition islamique et d'autres traditions. Je ne dis que cette généalogie est quelque chose de simple et d'uniforme. Je voudrais plutôt savoir, et ça sera ma dernière question, comment l'opposition normative chrétienne entre piété et plaisir sexuel peut avoir été réconfigurée sous la sécularité, mais d'une manière telle que la co-articulation du sexe et de la religion est devenue fondatrice pour la définition du sexe et de la religion convenable dans les sociétés séculaires. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une relation entre la généalogie chrétienne du sécularisme, si on reconnaît le fait que le sécularisme a une généalogie chrétienne, et on reconnaît que le christianisme a certains protocoles par rapport au sexe, qu'est-ce qu'on fait avec cette généalogie? Est-ce qu'il y a un lien entre les protocoles sexuels du christianisme et les protocoles sexuels de la laïcité française et plus largement le sécularisme occidental. Donc, je termine là. Merci beaucoup et merci pour vous m'avez écouté. Merci beaucoup. Ouais. Vas-y, vas-y. Ouais. Merci beaucoup, Mayanti. C'est vraiment très, très, très rafraîchissant. Et en plus, je regardais cette salle et on est une majorité de femmes. Donc, je crois que ce n'est pas bon signe, en fait. Ça prouve aussi que ce sujet-là intéresse peut-être plus les femmes. Je n'en sais rien. Je ne vais pas faire des statistiques aujourd'hui. Mais en tout cas, alors, je pense que c'est vraiment intéressant de poser les questions comme tu les poses. Et c'est très intéressant de les poser de manière vraiment empirique parce que finalement, on a assez peu de travaux sur ces questions-là, alors qu'elles semblent fondamentales. Moi, ce que je retiens